voir quelqu'un à la télé n'est pas synonyme de réussite. Claudicia, la voix du monde. Alain Pilot. Lama boti ba ba boba.